Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est la première édition de la soirée de ce 24 septembre 2020. En voici les grandes articulations. Plus de 600 Burundais sont rentrés ce jeudi du Rwanda, pour la plupart du camp des réfugiés de Mahama. À côté de cela, 55 Rwandais qui venaient de passer des mois au Burundi à cause du coronavirus sont également retournés chez eux. L'église adventiste du 7e jour, actuellement en conflit de leadership, se voit confier une direction de transition. C'est le ministre de l'Intérieur qui a lui-même joué l'arbitre dans une réunion tenue avec les responsables de cette église ce jeudi. Dans ce journal, on revient sur l'état des échanges commerciaux des États de la communauté est-africaine avec le Burundi. La Tanzanie vient en tête selon le bulletin trimestriel des statistiques provisoires du commerce extérieur du Burundi d'avril cette année. Et dans la chronique justice transitionnelle, un expert nous dira qui est habilité à faire des exhumations des restes humains. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Quatre fidèles de l'église adventiste du 7e jour ont été désignés pour diriger une transition dans cette église en conflit de leadership. À sa direction se trouve Daniel Babougoubousa. Ces décisions ont été prises ce jeudi au terme d'une réunion du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité avec les pasteurs de deux blocs de cette église, avec une représentation de la division de cette église, venue du Kenya. Dirako Wucha-Gervé a invité ceux qui vont diriger cette transition à privilégier l'intérêt de tous les fidèles de cette église. Les détails avec Moïse Misago. C'est le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervin Dirako Wucha, qui a présenté la nouvelle équipe de transition à la tête de la représentation légale de l'Église adventiste du 7e jour. La dite transition ira jusqu'au mois de juillet 2021. Et là, la division de l'Afrique de l'Est et centrale désignera le nouveau représentant légal. Que le passé nous donne une leçon et nous espérons que la solution du ministère de l'Intérieur en collaboration avec la division soit une solution de réconciliation de l'Église. Nous souhaitons qu'elle soit une solution qui rassemble les fidèles de l'Église. Celui qui va chanter la victoire n'est pas un bon chrétien. Ceux qui se voyaient en chaîne défaillance, qui cessent son comportement, ils sont tous des adventistes du 7e jour. Je ne veux plus entendre celui qui se dit du camp de Joseph ou de la Mecque. Il se peut qu'il y ait un autre camp, il y a presque Pour sa part, le nouveau chef de l'équipe renseigne que la grande priorité sera de réconcilier les deux camps de l'église. Mais en passant, Daniel Babougoubousa demande la mise en liberté des pasteurs incarcérés. Premièrement, nous allons réunir le cœur, les âmes. Nous voulons que les âmes soient unies. C'est ça d'ailleurs notre mission de l'église adventiste du 7e jour. Nous devons les amener pour qu'ils puissent prier ensemble sans regarder ceux qui sont pour l'autre, ceux qui sont pour l'autre. Mais tous nous sommes les enfants de Dieu. Ils seront bienvenus. Pour ceux qui sont emprisonnés, nous continuerons à demander au gouvernement de libérer ces pasteurs pour qu'ils puissent aussi nous rejoindre. Le ministre Ndirako Wucha appelle les fidèles de cette église à prier dans leurs localités respectives en vue d'éviter de nouveaux conflits. Je demande à vous, pasteurs, j'insiste et je le répète, il y a des jeunes qui sont derrière vous. Qu'il n'y ait pas de mauvais enseignements à transmettre, s'il vous plaît. Que chaque fidèle prie dans sa localité. Qu'il n'y ait pas celui qui quitte Bujumbura pour aller prier à Jabé le jour du sabbat. De même qu'il n'y ait quelqu'un qui va quitter Chibitoke pour venir prier à Jabé. Les jeunes qui vont quitter l'intérieur du pays pour venir prier à Bujumbura, je ne les veux pas. Les voitures qui seront attrapées avec ces jeunes gens qui viennent prier à Bujumbura, faites-moi signe, ceux-là voudront s'aimer le désordre. L'église adventiste du 7e jour venait de traverser au moins 2 ans de crise liée au leadership. Merci Moïse. 515 rapatriés sont rentrés ce jeudi du camp des réfugiés de Mahama au Rwanda. 115 Burundais qui étaient retenus dans ce même pays suite au Covid-19 sont également rentrés. À côté de cela, 55 Rwandais qui venaient de passer des mois au Burundi à cause du coronavirus sont également retournés chez eux. Les réfugiés burundais signalent qu'ils sont très satisfaits du retour au pays natal et demandent au gouvernement de leur garantir la sécurité. Abraham Safari pour les détails. Au total, les Burundais qui sont venus du Rwanda sont au nombre de 630. Parmi eux, 515 sont des rapatriés burundais qui sont rentrés du camp de Mahama, tandis que 115 sont venus des différentes villes du Rwanda où ils étaient enfermés suite au Covid-19. Certains rapatriés interviewés les qui sont très satisfaits du retour dans leur pays natal et ils demandent au gouvernement burundais de les sécuriser jusqu'à leur colline d'origine. En outre, parmi les 515 rapatriés, il figure 5 enfants non accompagnés qui n'avaient aucune famille au camp de réfugiés. Ils ont été récupérés par la CICR qui va par après chercher leur famille. À côté de ce mouvement de rapatriement des Burundais, 55 Rwandais qui étaient enfermés au Burundi sont également retournés chez eux alors qu'ils venaient de passer plus de 6 mois au Burundi suite au Covid-19. Ils ont signalé eux aussi qu'ils sont heureux du retour de leur famille et remercient au gouvernement burundais de la manière dont ils ont été hébergés pendant cette période. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et s'assurer de l'histoire du passé du Burundi, c'est l'objectif d'une descente de ce jeudi de la délégation de la communauté est-africaine à sa tête, son secrétaire général, Liberat Mfumukeko. Ils étaient en visite des fosses communes, des victimes de la crise de 1972 tout au long de la rivière Ruvu, en commune Chombo de la province Karuzi, Machitsi et Mutobo, situées en province Gitega. Selon Pierre Claver Ndayicharié, président de la commission Vérité et Réconciliation, cette visite permet à la CVR d'ouvrir les portes à des ambassadeurs et organisations internationales de soutenir les activités de cette commission. Ézéchiel Ndikoumenayo. Cette descente qui a débuté tout au long de la rivière Luvubu en commune Chombo de la province Karusi, le président de la commission Vérité et Réconciliation CVR fait savoir que 8 fosses communes ont été trouvées dans cette localité avec près de 7000 restes de corps humains exhumés. Pierre Claver Ndayicharié annonce également 4 nouvelles fosses communes notifiées dans cette même place. Liberat Mfumukeko, secrétaire général de l'EAC, dit à sa part que cette visite consiste à s'assurer de l'histoire du passé du Burundi. Dans le traité établissant la communauté africaine, la paix et la sécurité dans les pays membres de l'EAC est aussi une des affaires de la communauté. Le traité nous oblige d'assister les pays en matière de paix et sécurité et de faire en sorte que la paix et la sécurité puissent prévaloir dans chacun des États membres. À Gitega, pour nous faire rencontrer l'histoire du Burundi. J'ai des Tanzaniens qui sont avec moi, des Kenyans qui sont avec moi. Il était important qu'ils connaissent cette partie cachée de l'histoire du Burundi. Ce que nous avons là est une grande leçon pour tout le monde. Par ailleurs, on a déjà vu ce genre de folie meurtrière dans d'autres pays et le résultat de la haine, c'est ce que l'on vient de voir. Pour Pierre Kavé Ndayicharié, président de la CVR, cette visite de la délégation de la communauté est-africaine était un moment opportun à la CVR, à des ambassadeurs et organisations internationales accréditées au Burundi d'accompagner les activités de cette commission. Les diplomates, les partenaires du Burundi accrédités au Burundi doivent découvrir cette réalité triste, cette face cachée de l'histoire du Burundi. Nous disons merci à cette délégation qui permettra d'éclairer la communauté est-africaine à travers l'information qu'elle détient dès maintenant, parce que les membres de cette délégation nous disent « nous ne savions pas que ceci s'est passé dans ce pays ». Ils sont donc ici comme des témoins, nous leur disons merci. Dans tout le pays, la commission Vérité et Réconciliation a déjà identifié plus de 4000 fosses communes. Ézéchiel Ndikoumenayo. Le rapport des importations et des exportations du quatrième trimestre sur les deux dernières années montre que dans la communauté est-africaine, la Tanzanie vient en tête dans les échanges avec le Burundi. Et ceci transparaît dans le bulletin trimestriel des statistiques provisoires du commerce extérieur du Burundi d'avril cette année. Lors de sa visite officielle en Tanzanie, le président burundais et son homologue tanzanien se sont convenus sur des projets de développement. Mireille Kanyang. Selon ce rapport trimestriel des statistiques provisoires du commerce extérieur des marchandises du Burundi par zone d'intégration, 8% des produits locaux sont vendus dans la communauté est-africaine. Au quatrième trimestre de 2019, les exportations du Burundi vers la communauté est-africaine montrent que la Tanzanie vient en tête avec des échanges à hauteur de 56%, suivi du Rwanda à hauteur de 40%, du Kenya avec 1,8% et de l'Ouganda avec des échanges à hauteur de 1,3%. Et au quatrième trimestre de 2018, Les exportations vers la communauté est-africaine montrent que la Tanzanie vient en tête avec 38,7%, suivie du Rwanda avec 34%. En troisième lieu vient le Kenya avec 17% et l'Ouganda avec 10,3%. Quant aux importations en provenance de la communauté est-africaine, le Burundi a importé les marchandises de la Tanzanie à hauteur de 38,4% au quatrième trimestre de 2019, suivi du Kenya avec 30,3%. En troisième position vient l'Ouganda avec 25,6% et le Rwanda en quatrième lieu avec 5,7% au quatrième trimestre de 2018. Et les échanges avec la communauté est-africaine viennent en premier lieu de la Tanzanie avec 35,9%, suivi de l'Ouganda avec 31,6%. En troisième position, il y a le Kenya avec 29,3% et le Rwanda en quatrième position avec 3,2% des échanges. Selon ce rapport des statistiques provisoires de l'OBR, les importations et les exportations avec la communauté est-africaine montrent que la Tanzanie vient en première position. La promotion du commerce entre le Burundi et la Tanzanie était sur l'agenda du président burundais en déplacement à Kigoma en Tanzanie avec son homologue tanzanien. Pour que ces échanges soient facilités, le chemin de fer Uvinza Musongati Gitega doit être construit et le transport des biens et des personnes entre le Burundi et la Tanzanie via le lac Tanganyika devra également être promu. Mireille Kanyangi, la commune de Rugombo enregistre un manque à gagner allant de 15 millions à 17 millions de francs burundais chaque mois suite à la fermeture des frontières entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, et cela à cause du coronavirus. Les commerçants et d'autres personnes qui faisaient des navettes entre ces trois pays demandent aux responsables de mettre de préférence des appareils de dépistage sur les traversées reconnues afin que ceux qui sont malades soit connu et que ceux qui sont sains reprennent leur voyage. Les détails avec Alexis Ndayiragije. Sur la traversée se trouvant dans la localité de Rosiga sur la rivière Rusizi, la commune Rugombo pouvait avoir entre 1 million et 2 millions de taxes. En Parambo sur la même rivière, entre 2 et 3 millions. À Rua, entre la commune Rugombo et le Rwanda, les recettes communales allaient de 4 à 5 millions. Patrick Nicho Yitungi, conseiller communal chargé du développement en commune Rugombo, indique que la commune Rugombo enregistre un manque à gagner suite à la fermeture de la frontière entre cette commune et ces deux pays dû au COVID-19. Évaluer entre 15 et 17 millions chaque mois. Certains commerçants et d'autres personnes qui faisaient des navettes entre les trois pays demandent la disponibilité sur les traversées reconnues des appareils de dépistage du coronavirus afin que ceux qui sont sains continuent le voyage tandis que ceux qui sont malades soient traités. Le chargé de la migration sur la rivière Roi propose une entente entre les trois pays afin que ceux qui veulent traverser se fassent enregistrer et qu'ils puissent continuer le voyage. Depuis Merci Alexis Ndayiragije. Le Burundi a célébré ce jeudi le 35e anniversaire de la Journée internationale de protection de la couche d'ozone. Une journée habituellement célébrée le 16 septembre chaque année. Le secrétaire permanent au ministère de l'Environnement a indiqué notamment que le programme national de reboisement Ewe Burundu Rambaye a été entrepris dans le cadre de la protection de cette couche au Burundi. Emmanuel Ndorimana appelle la population burundaise à comprendre l'importance de la protection de la couche d'ozone. Suivez-le au micro de Jean Dodieu Irakotsi. Aujourd'hui, le 24 septembre 2020, nous sommes en train de célébrer la journée dédiée à la protection de la couche d'ozone. C'est une journée célébrée chaque année dans le monde entier, le 16 septembre, pour sensibiliser la population sur la problématique de la protection de la couche d'ozone. Vous comprenez que la couche d'ozone est une couche qui régule les rayons ultraviolets. Et si la couche d'ozone n'est pas protégée, ces rayons ultraviolets arrivent sur la Terre et s'étendent sur la vie de l'homme. Ce que nous avons déjà fait dans notre pays, le gouvernement du Burundi a instauré un vaste programme de réinstauration du paysage, un programme qu'on appelle Ewe Burundu Rambaye. En plus de ce programme, il y a d'autres initiatives du Burundi. Nous avons procédé à la sensibilisation des frigoristes de tout le personnel qui utilise le matériel comme les frigos, les climatiseurs. Ce sont des matériels qui produisent des gaz à effet de serre, qui appauvrissent la couche d'ozone. Mais aussi, nous avons sensibilisé les universitaires pour qu'eux aussi puissent nous aider, nous prêter main forte pour sensibiliser la population sur les impacts de la destruction de la couche d'ozone. En plus de ces formations, notre ministère a procédé à la distribution des matériels pour qu'on puisse récupérer les matériels qui produisent ces gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone. L'appel que je peux lancer à la population, c'est quoi? D'abord, il faut que la population comprenne que la protection de la couche d'ozone, c'est une préoccupation de tout le monde. En plus, je demande à la population d'arrêter certaines pratiques. Ici, je parle d'effet de brousse. En plus de la destruction de la biodiversité, il y a aussi la destruction de la couche d'ozone. C'est pour cette raison que nous demandons à la population d'arrêter cette pratique. Et en bref, avant la chronique justice transitionnelle, le processus électoral s'est bien déroulé dans l'ensemble, même si quelques défis n'ont pas manqué. C'est une lecture de l'assistant du ministre de la Communication et des Médias lors de l'ouverture ce jeudi d'un atelier d'évaluation entre confrères de la couverture médiatique des élections en 2020. Thierry Kitamoya a indiqué que c'est grâce à de multiples séances de renforcement des capacités des journalistes que le processus s'est bien déroulé. Toutefois, certains journalistes présents ont déclaré n'avoir pas eu accès à certaines sources d'informations, notamment de la part des responsables des démembrements de la commission électorale ou dans les bureaux de vote. Si bien que par endroits, les journalistes se sont vus qualifiés d'étrangers. Radio Isanganiro, chronique justice. Les travaux d'exhumation des restes humains ou matériels ne sont pas effectués par n'importe qui. Explication d'Elie Sadiki, professeur d'université, anthropologue et expert en exhumation. Il précise que l'exhumation des restes humains nécessite des enquêtes préalables au sein de la population et des fouilles dans différents ouvrages pour connaître les espaces qui contiennent ces restes. Selon lui, l'exhumation des restes a pour principal objectif d'écrire l'histoire. Elie Nibel Nibikila. D'après cet expert en matière anthropologique et d'exhumation, les restes peuvent être des hommes, des objets qu'ils utilisaient ou des habits qu'ils portaient. Elie Sadiki, professeur d'université, montre qu'avant toute opération d'exhumation, des enquêtes préalables à l'aide de la population, des ouvrages littéraires et d'autres techniques doivent être menées. L'exhumation, en fait, c'est une opération qui consiste à fouiller en fait les restes des peuples disparus. Donc, ces restes des peuples disparus s'appellent vestiges. Et il s'agit des objets matériels qui ont été fabriqués intentionnellement par l'homme, d'autres objets matériels qui ont été utilisés par l'homme sans les avoir fabriqués intentionnellement, mais aussi des restes de l'action de l'homme sur son environnement. L'objectif des travaux d'exhumation. Le professeur d'université Elie Sadiki, également expert en exhumation, dit que ce travail consiste à chercher l'histoire pour que ceux qui n'en ont pas fait des recherches puissent lire ce qui a marqué l'histoire. Il dit que cela peut concerner l'histoire des personnes de l'époque très ancienne. Le travail d'exhumation est fait par les experts, c'est-à-dire les personnes qui ont appris la technique de fouille, de telle façon que pendant la fouille, aucune information ne leur échappe. Parce que vous savez bien qu'il y a des personnes diversifiées. Le domaine archéologique, c'est une discipline qui fait appel à beaucoup d'autres domaines comme la médecine, la biologie, voire même la géographie. Donc, tout le monde doit intervenir parce que les vestiges fouillés proviennent de différentes matières. Il est nécessaire qu'on ait beaucoup d'experts diversifiés qui peuvent nous aider à interpréter les vestiges fouillés. Les gens qui effectuent les travaux d'exhumation doivent donc avoir des connaissances relatives. L'expert Elie Sadiki précise que différents experts, comme des géographes, des médecins et d'autres, participent à ces travaux d'exhumation. Après avoir fouillé les objets matériels dans le sol, ou bien même, on peut même les trouver à la surface, parce que avant de fouiller, on fait ce qu'on appelle le ramassage de surface. On ramasse les objets matériels qui se trouvent à la surface terrestre. D'ailleurs, la concentration des vestiges à la surface nous aide également à identifier où on peut implanter le sondage, ou bien où on peut fouiller. Après avoir alors trouvé tous les vestiges, ce que l'on peut faire, on les analyse, on les étudie, et on rédige des documents, des articles, et qui seront lus par les tiers. Quel est le matériel utilisé pendant l'exhumation? Qu'en est-il de la conservation et de la datation des restes exhumés? Rendez-vous dans la prochaine chronique Justice Transitionnelle. Merci Aline Bellenivigira, c'est la fin de ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Plus de 600 Burundais sont rentrés ce jeudi du Rwanda, pour la plupart du camp des réfugiés de Mahama. À côté de cela, 55 Rwandais qui venaient de passer des mois au Burundi à cause du coronavirus sont également retournés chez eux. Et l'église adventiste du 7e jour, actuellement en conflit de leadership, se voit confier une direction de transition. C'est le ministre de l'Intérieur qui a lui-même joué l'arbitre dans une réunion tenue avec les pasteurs de cette église ce jeudi. Dans ce journal, on est revenu sur l'état des échanges commerciaux des États de la communauté est-africaine avec le Burundi, la Tanzanie venant en tête selon le bulletin trimestriel des statistiques provisoires du commerce extérieur du Burundi d'avril cette année. Et vous venez de suivre des précisions dans la chronique justice transitionnelle en ce qui concerne qui est habilité à faire des exhumations des restes humains. Il est 18h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Elihi Kadogo, la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndowimana. Le prochain rendez-vous, c'est à 22h.